songer ça. Les nous t'es en mais nous sans parler, sans raconter. Problème en nous c'était la vie en nous doudou. Nous t'es qu'à garder l'emmène la cavini mouillé sabla assis guéant. Tout ça c'est l'amour. Songez ça, les nous t'es qu'à danser en zouklor, assis plage là, collé serré, c'était la vie en nous doudou. Où t'es qu'à dis-moi, aïe un péché vini pour changer la vie en nous. Tout ça, c'est l'amour. Pourquoi songer ça? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ou qu'à songer ça, les nous t'es en mais nous sans parler, sans raconter. Problème en nous c'était la vie en nous doudou. Nous t'es qu'à garder l'emmè la cavini mouillé sabla assis pied à haut. Tout ça, c'est l'amour.